mardi 9 octobre, la division de la nation hébraïque. Le peuple de Dieu n'a pas emprunté la voie de l'apostasie, avec ses conséquences tragiques en un seul jour. Mais les mauvais choix et les mauvaises décisions accumulées au fil de longs siècles ont fini par entraîner des conséquences terribles pour le peuple de Dieu. Lisez l'histoire du roi Roboam dans 1 roi 12, les versets 1 à 16. Quelle fut la cause de cette terrible division au sein du peuple de Dieu? Si Roboam et ses conseillers inexpérimentés avaient compris le dessein de Dieu au sujet d'Israël, ils auraient tenu compte des revendications du peuple, exigeant des réformes énergiques dans l'administration royale. Mais lors de l'assemblée de Sichem, ils ne comprirent pas la cause profonde de ces revendications et affaiblirent ainsi leur influence auprès de la majorité du peuple. Leur détermination de perpétuer et d'alourdir le joug imposé par Salomon s'opposait formellement au dessein de Dieu et fit naître chez les Israélites de sérieux doutes sur la sincérité de leur mobile. En voulant exercer le pouvoir d'une manière si insensée, le roi et ses conseillers firent preuve d'orgueil et de despotisme. Qu'indiquent les déclarations suivantes sur la nécessité d'avoir de la sagesse pour prendre les bonnes décisions? Où se situe la source de la véritable sagesse? Proverbe 4, les versets 1 à 9, Proverbe 9 au verset 10 et le livre de Jacques au chapitre 1 et au verset 5. L'histoire de Roboam et de sa décision imprudente et irréfléchie d'imposer davantage de travail à son peuple constitue un triste chapitre dans l'histoire du royaume d'Israël. Le roi prit conseil auprès de deux groupes de conseillers, mais sa décision finale de suivre le conseil de jeunes hommes expérimentés attira une catastrophe sur le royaume que son père Salomon et son grand-père David avaient passé 80 ans à construire. Ce conseil, qui voulait que le roi intimide la foule en déclarant qu'il était plus fort que son père, était un conseil insensé. Les jeunes conseillers pensaient que le roi ne devait pas adopter un style de leadership qui le rendait favorable aux demandes du peuple qui voulait un travail moins rigoureux. Il devait, disaient-ils, se présenter comme impitoyable et cruel. En fin de compte, il se présenta comme un tyran indigne de l'allégeance et de la fidélité de son peuple, d'où cette division qui survint parmi le peuple de Dieu, division qui n'aurait jamais dû se produire et qui n'était pas le plan de Dieu pour son peuple.